Exemple d'entretien dirigé. Bonjour, je m'appelle Pierre. Bonjour, je m'appelle Sandor Pérez. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de vous ? Je travaille, je suis ingénieur, je suis marié et j'ai 2 enfants. Pouvez-vous me parler de votre famille ? Ma femme ne travaille pas en ce moment parce que les enfants sont petits. Mon fils a 4 ans et ma fille a 2 ans. Pourquoi étudiez-vous le français ? Parce que j'aimerais beaucoup partir au Canada, au Québec, pour travailler là-bas. Et quels sont vos projets exactement ? Je voudrais travailler comme ingénieur dans la construction. Vous habitez quelle ville ? J'habite à Maracaibo. C'est une grande ville ? Oui, c'est la 2e grande ville du Venezuela, après la capitale, Caracas. Vous parlez d'autres langues ? Oui, ma langue maternelle, c'est l'espagnol. Et je parle aussi très bien l'anglais. Qu'est-ce que vous aimez faire pendant vos loisirs ? Surtout aller à la plage et aussi faire du bateau et pêcher. Vous êtes déjà allé en France ? Oui, une fois en vacances dans le sud de la France, à côté de la ville de Cannes. C'était vraiment très beau. On a fait beaucoup de tourisme.